إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المسلمون والمسلمات، إن الثبات على الحق هو من أبرز سمات أهل الحق. إن الثبات على الحق مطلب كل مؤمن بالله رب العالمين، وهو أهم كل داعية، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الابتلاءات والفتن بكل أنواعها، وتنوعت وسائل الإضلال والإفساد والمحن، حتى أصبح القابض على دينه كالقابض الجمر. فأهل الحق هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم، ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدة التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريش: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. رواه البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وافتتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certainement éprouvé ceux qui les ont précédés, afin qu'Allah azawajal sache ceux parmi eux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait de rester ferme sur la vérité fait partie des plus grandes caractéristiques des gens de la vérité. Le fait de faire preuve de fermeté sur la vérité. Et ce qui est demandé, ce qui est recherché par tout croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, c'est ce qui est recherché et convoité par chaque prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est d'autant plus convoité, d'autant plus recherché dans les moments de trouble et dans les moments de discorde, lorsque les épreuves s'accumulent les unes après les autres et lorsque les troubles frappent les musulmans de façon diverses et variées. Ajoutez à cela, lorsque les différents moyens d'égarement qui sèment la turpitude et le désordre sur terre sont maintenant à la disposition de quiconque. Les gens de la vérité sont ceux qui patientent le plus, ceux qui patientent pour préserver leur parole de vérité, pour préserver leur croyance authentique. Pour cela que Héraclius, lorsqu'il a questionné Abu Sufyan ibn Harb, qui à l'époque n'était pas musulman mais qui s'est converti par la suite, radiallahu anh, lorsqu'Héraclius l'a questionné au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le pacte avec les polythéistes de Quraysh, Héraclius lui a demandé: est-ce que l'un parmi eux a délaissé sa religion par colère après avoir embrassé l'islam? Abu Sufyan a dit non. Héraclius a répondu: ainsi est la foi lorsqu'elle pénètre la douceur du cœur. Et Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant aux gens de la sunna et du hadith, nous ne connaissons personne parmi leurs savants ni parmi les vertueux qui est revenu une seule fois sur les paroles de vérité et sur sa croyance. Au contraire, ce sont les gens qui patientent le plus dans cela pour Allah, même s'ils sont éprouvés par diverses épreuves, même si différents troubles viennent tenter de les déstabiliser. Et ainsi était la situation, et ainsi était le cas des prophètes et de ceux qui les ont précédés, comme Ashab al-Ukhdud, qui étaient jetés dans le feu s'ils ne reniaient pas la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi étaient également nos pieux prédécesseurs, chers musulmans et musulmanes, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal muslimoun, la budda min badhli asbab al-thabat وفعل ما يقويه في القلوب ويرسخه في النفوس. فمن عوامل الثبات على الحق قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به كما أخبر الله بذلك في كتابه. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظم أسباب الثبات قراءة القرآن الكريم وحفظه ومدارسته والقيام به بالليل والنهار والعمل به. فالقرآن يشتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. قال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والقرآن يعالج أمراض الشهوات والشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات كان أقوى على مواجهة الفتن وأكثر ثباتا على الحق. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que pour faire preuve de fermeté, pour faire preuve de fermeté et de droiture dans ces moments de trouble, dans ces moments de discorde que traverse la communauté musulmane, notamment ici en France, les musulmans sont éprouvés dans leur personne, ils sont éprouvés dans leur famille, ils sont éprouvés dans leur maison, ils sont éprouvés dans leur mosquée. Vous ressentez tous ce climat de pression qui est exercé sur la communauté musulmane. Les perquisitions qui se suivent les unes après les autres. Les salafis qui sont injustement pointés du doigt, qui sont pris comme des boucs émissaires dans ce qu'ils condamnent et dans ce qu'ils combattent depuis le début. Bien avant que tous ces troubles arrivent, les salafis étaient à la tête de ceux qui condamnaient le terrorisme et de ceux qui condamnaient le fait de s'en prendre injustement à des vies innocentes. Et voilà que ces mêmes personnes sont pointées du doigt et qu'ils sont mis en avant dans la scène politique comme dans la scène médiatique. Tout ceci sont des épreuves, chers musulmans et musulmanes. Allah Azza wa Jal nous éprouve afin de connaître lequel d'entre nous est véridique, duquel d'entre nous ment. Nous devons faire face à ces épreuves et les surmonter. Et afin de les surmonter comme il se doit, nous devons mettre en œuvre des causes qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce d'Allah azza wa jal, vont nous permettre de surmonter ces épreuves comme ont surmonté les épreuves ceux qui nous ont précédés. Et parmi les premiers moyens, c'est tout d'abord de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est également de regarder ceux qui nous ont précédés et quelles ont été les épreuves auxquelles ils ont dû faire face. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient éprouvés au début de l'islam, lorsqu'ils étaient torturés, lorsqu'ils étaient battus, eh bien, ils étaient pris d'une forme, d'une certaine désespérance. Et certains sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a rougi de colère. Et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des peuples avant vous, l'ont placé une scie sur son front, au milieu de sa tête. Et il avait le choix, soit d'être coupé en deux, soit de revenir sur sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons que cette scie qui était posée sur leur tête ne les faisait pas dévier de la religion d'Allah. Nous devons prendre exemple de ceux qui nous ont précédés, chers musulmans et musulmanes. Lorsque la famille de Yasir a été éprouvée d'une épreuve immense et presque insupportable, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patientez, ô famille de Yasir, car votre rendez-vous est au paradis. Parmi les causes qui nous permettent, chers musulmans et musulmanes, de faire face à ces épreuves. Le fait de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de méditer la parole d'Allah azza wa jal, le Coran, de le mettre en pratique. Allah azza wa jal dit, les gens et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Les polythéistes ont tenté d'émettre un doute au sujet du Coran en disant « Pourquoi alors, si c'est un prophète, pourquoi le Coran n'est-il pas descendu sur lui en une seule et unique fois ?» Et Allah Azza wa Jal de répondre à cette ambiguïté qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Allah Azza wa Jal a dit son le sens. Nous l'avons révélé ainsi. Nous l'avons révélé étape par étape. Nous l'avons révélé au fur et à mesure pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ainsi Allah Azza wa Jal a révélé le Coran au fur et à mesure au prophète alayhi salatu wassalam, afin de raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi alayhi salatu wassalam a dû faire face à d'innombrables épreuves qu'il a surmontées alayhi salatu wassalam de la meilleure des façons. Allah Azza wa Jalla l'a soutenu dans ses épreuves et Allah Azza wa Jalla a raffermi son cœur par le Coran notamment. Le Coran que l'on se doit de lire, chers musulmans et musulmanes, que l'on se doit d'étudier, que l'on se doit de lire, que ce soit dans nos prières de nuit comme de jour. Le Coran est une guérison pour les cœurs. Il guérit à la fois la maladie des doutes et la maladie des passions. Nul doute qu'un cœur qui est guéri, un cœur qui est soigné par le Coran, est un cœur qui sera d'autant plus fort et qui fera preuve de fermeté devant toute épreuve. ومن عوامل الثبات على الحق الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهي عنه يقوي قلب المؤمن بالله تبارك وتعالى، فيكون أقدر على الثبات وأكثر تمسكا بالحق حتى يأتيه اليقين من ربه تبارك وتعالى. ومن عوامل الثبات على الحق كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهما السلام، لما أرسلهما الله عز وجل إلى الطاغية فرعون أوصاهما بقوله عز وجل: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فكثرة ذكر الله يقوي البدن ويقوي القلب أمام الفتن والشهوات. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les causes qui permettent aux musulmans de faire preuve de fermeté dans la vérité, dans la droiture, c'est le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à leurs ordres et de s'abstenir de leurs interdits. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus raffermie. Ainsi, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de s'abstenir de quelconque désobéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela raffermit la personne et cela fait en sorte qu'il s'accroche plus fermement à la vérité jusqu'à ce que la certitude lui parvienne de la part de son Seigneur, à savoir la mort. Également, ce qui aide à faire preuve de fermeté dans la vérité et à faire face à toute épreuve, le fait de beaucoup évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jal, lorsqu'il a envoyé ses prophètes Moussa et Haroun alayhim assalam, lorsqu'il les a envoyés pour qu'ils s'adressent à Pharaon le tyrannique, Allah azza wa jal leur a dit: pars, toi et ton frère, avec mes signes et ne négligez pas de faire mon évocation. Ne négligez pas de faire mon évocation, car le rappel d'Allah, chers musulmans et musulmanes, renforce le cœur. Le rappel d'Allah, Azza wa Jal, renforce le corps et fait en sorte que la personne soit ferme devant toutes épreuves et toutes tentations. ومن عوامل الثبات على الحق السير على منهج السلف الصالح ومطالعة سيرتهم. فالسير على منهج السلف الصالح ذاك المنهج الرباني المنهج الذي به تحيا القلوب وتزداد ثباتا. ولا يكفي أن يسير الرجل على ما كانوا عليه حتى يعلم أدلة الحق الذي كانوا عليه، فالجهل بأدلة أهل الحق والسنة يجعل الإنسان عرضة للتقلب والشك، وعدم الثبات على الحق. فمن عوامل الثبات على الحق تعلم العلم النافع، وذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف أهل المعاصي بالجهل في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولا شك أن الذين يتصدون للشبهات والشهوات هم أهل العلم، أما أهل الجهل فهم وقود كل فتنة. فالذي يجهل الحق بأدلته من الكتاب والسنة عرضة للفتن والعياذ بالله. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les moyens qui permettent de rester ferme sur la vérité, le fait d'emprunter la voie de nos pieux prédécesseurs et le fait de prendre connaissance de leur biographie et de leur vie, ainsi le fait d'emprunter la voie de nos pieux prédécesseurs, cette voie qui éduque, cette voie qui fait en sorte que le cœur vive et que le cœur se renforce au fur et à mesure. Et il ne suffit pas de suivre leur voie uniquement, mais il faut également connaître les preuves de cette vérité, les preuves issues du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de ne pas connaître les preuves expose la personne de façon dangereuse aux troubles et aux épreuves, et cela amène la personne à douter de la vérité qu'il suit pourtant. Ainsi, l'un des moyens les plus efficaces pour rester ferme dans sa religion, c'est d'apprendre la science bénéfique, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jal a caractérisé ceux qui lui désobéissent comme étant des ignorants. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant de ses pieux serviteurs, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent: à nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. Nul doute que ceux qui s'attaquent aux ambiguïtés, ce sont les gens de science. Quant aux ignorants, ce ne sont en général que ceux qui alimentent le feu des troubles et le feu des épreuves. Ainsi, ومن عوامل الثبات على الحق كثرة النوافل كثرة العبادات والطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعبد أيها المسلمون يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد استكمال الفرائض. إذا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد استكمال الفرائض يوفقه الله عز وجل لكل خير، ويصرف عنه كل شر، ويسدده بحيث تصير كل جوارحه مشغولة في طاعة الله تبارك وتعالى فترفع درجته. وإذا سأل الله عز وجل أجابه، فما أعظمها من منزله. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Ce qui aide également à être raffermi dans la vérité et à faire face aux épreuves et aux troubles, le fait de multiplier l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre, et mon serviteur ne cesse Mais mon serviteur ne s'est jamais rapproché d'une chose plus aimée chez moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe avec laquelle il voit, la vue avec laquelle, l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il demande ma protection, je le protège. Regardez, chers musulmans et musulmanes, lorsqu'un serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers des actes surérogatoires, après avoir complété les ordres et les actes obligatoires, alors Allah Azza wa Jal lui facilite la voie à tout bien. Et Allah Azza wa Jal l'épargne de tout mal. Et Allah Azza wa Jal raffermit ses pas, de telle sorte que l'ensemble des membres de son corps sont occupés à adorer Allah Azza wa Jal, que ce soit son ouïe, que ce soit sa vue, que ce soit ses mains ou ses pieds. Tous les membres de son corps sont alors exclusivement voués à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal lui accorde cette énorme faveur qui est que lorsqu'il demande à Allah, Allah lui donne. Il dit Azza wa Jal, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira la piété. Wa inna mimma yulfitu an-nazar أن كثيرا من الناس يصرف كثيرا من وقته في متابعة الأخبار والاطلاع على كل جديد حول الأحداث حتى ربما أضاع وقته وأهله أو صلاة الجماعة وأخطر من ذلك الحرص على تلقي الأخبار والتحليلات السياسية من قنوات أو صحف معروف عنها عداوتها للإسلام والمسلمين حريصة على إضعاف المسلمين وزرع الفتن بينهم أيها المسلمون إن المحافظة على العبادة والاستكثار منها واجتناب ما حرم الله أمر عسير في زمن الفتن واضطراب الأمور لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي يقول الإمام النووي رحمه الله والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. Et il y a une remarque importante à faire, chers musulmans et musulmanes. Une remarque suite à ce que font beaucoup de musulmans et musulmanes ces derniers jours, ces jours-ci, depuis qu'il y a eu les attentats que nous avons condamnés à maintes et maintes reprises, l'on voit les musulmans qui sont connectés matin, midi et soir sur les différents sites d'information, voire sur les différentes chaînes télévisées d'information, afin de suivre les événements heure par heure, minute par minute, et tu vois ces personnes s'informer de ces événements à travers une chaîne, et c'est alors qu'ils passent à l'autre chaîne pour écouter les mêmes informations, puis ils passent au support écrit, aux sites internet, des sites d'information, et ils lisent les informations dans tel site, puis les mêmes informations dans l'autre site, et le voilà. Le voilà occupé l'ensemble de son temps à suivre les événements minute par minute, en délaissant et en faisant preuve dans cela, et il faut le dire, en perdant son temps. Prends l'information dont tu as besoin et occupe-toi à autre chose. Ne perds pas ton temps à lire et à écoutez les informations matin, midi et soir, car tu perds ton temps en faisant cela et tu feras preuve de manquement vis-à-vis de ta famille. Et combien n'assiste pas à la prière en groupe parce que monsieur est occupé à lire ou à suivre les informations. Et plus dangereux encore, ceux qui s'aventurent à lire ou à écouter les différents débats politiques au sujet de ces attentats. Et vous le savez tous, ces débats tournent tous autour de l'islam. Ils tournent tous autour de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour les hommes et les djinns. Il écoute alors l'analyse d'un tel et la solution d'un tel. Et c'est alors qu'il se met à écouter des choses qui peuvent le déstabiliser dans sa foi, qui peuvent le faire douter dans sa religion. Et pire encore, ceux qui se transmettent les uns les autres, l'article publié dans tel ou tel journal, l'article publié dans tel et tel site d'information. Et voilà que ces différentes ambiguïtés, ces solutions qui, pour la plupart, ne sont pas des vraies solutions, sont diffusées au sein de la communauté musulmane et ainsi peut être un moyen de les déstabiliser dans leur foi. Que dire, chers musulmans et musulmanes, lorsque le site que tu consultes ou lorsque la radio que tu écoutes est connue pour être hostile envers l'islam et les musulmans, est connue pour ne pas porter l'islam et les musulmans dans leur cœur? Pourquoi leur prêtes-tu oreille? Pourquoi t'exposes-tu à un danger qui peut déstabiliser ton cœur? D'autant plus que nous sommes dans une période de trouble, dans une période où les épreuves sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus dangereuses. Nous devons nous en remettre à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et occuper notre temps, au lieu de lire les informations matin, midi et soir, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'adoration d'Allah en période de trouble est comme une émigration vers moi. L'imam al-Nawawi rahimahullah a expliqué ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui adore Allah azawajal dans les périodes de troubles, dans les périodes d'épreuves, dans les périodes de discorde, que cette adoration a beaucoup plus de mérite qu'en période normale, car dans les périodes de troubles, les gens sont insouciants, les gens ont peur, l'attention des gens est portée vers ces troubles, vers ces épreuves, et elle n'est pas portée vers l'adoration d'Allah Azzawajal. Ainsi, rares sont ceux qui vouent leur personne à l'adoration d'Allah Azzawajal dans ces périodes de troubles, et c'est ainsi que celui qui adore Allah Azzawajal, sa récompense auprès d'Allah est immense. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ومن عوامل الثبات على الحق القرب من العلماء الربانيين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال أي أنس رضي الله عنه ما نفضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. Parmi les causes, chers musulmans et musulmanes, qui permettent de faire preuve de raffermissement et de fermeté dans sa religion, le fait de se rapprocher des savants de la sunna, des savants de l'islam, des savants sincères dans l'apprentissage de la science et dans l'enseignement de celle-ci. Anas radiallahu anhu a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, tout s'est illuminé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout s'est assombri. Et lorsque nous avons terminé d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors que nos cœurs étaient pris d'un malaise. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à leur côté, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les raffermisse, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce les bonnes nouvelles de la part d'Allah azza wa jal, qu'il leur accordera au final la victoire, tout ceci, eh bien, réconforter les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et nul doute que les héritiers des prophètes, ce sont les savants. Les savants sont eux qui sont, ce sont eux qui font preuve de fermeté face aux épreuves. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, raconte en parlant de son cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que lorsqu'il sentait que la terre se rétrécissait autour de lui, lorsque les épreuves étaient de plus en plus dures à surmonter, c'est alors qu'il se rendait chez Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et il voyait la lumière et il voyait la joie qui apparaissait de son visage rahimahullah ta'ala, alors qu'il était éprouvé. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a été emprisonné, il a été battu, il a été torturé rahimahullah ta'ala. Mais en le voyant, l'on voyait un visage heureux, un visage joyeux, un visage qui montrait que son cœur était en paix et qu'il était ferme dans sa religion. Et le même Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, et il me suffisait de parler avec lui et de le voir afin de me sentir plus fort et d'être apte à surmonter chaque épreuve. Nasal Allah Azza wa Jal an yuwaffiqana إلى الحق ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.